du Gévaudan, c'est rien à côté de lui. Helmut Perchu sur UFM. Reviens là, caca. Reviens là. Non, non, non. Sinon, je commence pas. Viens ici. Ça va, le caca? Oui, ça va, et toi? Bon, ça va, rien mieux si le Joscar de la fait ici. Non. Ah, mes amis, vous avez vu ça? Ça y est, c'est au grand jour, et ça ne fait que commencer. Je parle bien sûr de l'affaire Canal+, qui fait espionner Gassiot, le chef des guignols. C'est un ancien des services secrets employé par Canal qui balance tout. On lui aurait même demandé de cacher de la drogue dans les scooters de Gassiot. Il était même question de piéger une pute. Eh ben, figurez-vous que moi, ça me soulage, cette histoire. Je vais enfin pouvoir dire au monde entier que la même chose m'est presque arrivée. Bon, là où c'est différent, c'est que c'est la direction d'une autre radio qui a essayé de me faire virer de WFM. Eh oui, mon succès gêne. On aimerait me voir décédé des ondes. Alors, petit retour en arrière, réunion de crise à la direction d'énergie. Bon alors, on en est où du cœur, Helmut? C'est de pire en pire, patron, hein. Chaque fois qu'il dit quelque chose sur WFM, la moitié de nos auditeurs vont l'écouter. On peut pas le débaucher? Eh, j'ai bien essayé déjà. Et alors? 6 mois. Quoi, 6 mois? 6 mois de rééducation. Il m'a enlevé les dents et me les a plantés sur la tête en forme de diadème. Mais ça prend pas 6 mois de rééducation, ça. Non, la rééducation, c'est le temps que mes doigts coupés repoussent. Et pourquoi tu les as pas fait greffer tes doigts coupés? Oui, ben là où ils les avaient cachés, je voulais plus qu'on les mette une fois ressortis, hein. Il a des faiblesses, il a des vices, Helmut. Ah, des vices, il a que ça. Enfin, une bonne nouvelle. Oui, sauf que ses vices, c'est sa force. Il est payé pour ça, on le paye une fortune sur WFM. Mais c'est quoi cette force, mon Dieu? Une boisson, le schnapps. Bon ben, qu'on en donne à tous les animateurs d'énergie maintenant. Le problème, c'est que j'ai déjà essayé en fin d'année dernière. Je défilais à ma gloire. Au bout de 2 jours, il était devenu tout blanc. Il parlait plus, il souriait bêtement. On aura dit Michou en jeune et gros avec des cheveux frisés. Bon ben, on va continuer comme ça, alors. Je crois que c'est plus prudent. Et voilà, mon Jojo. Le jeune, il parle comme l'abbé Pierre à la fin. Ah, vous savez, mon petit Jojo, sur énergie, on finit par être castré, donc ça m'étonne pas qu'il parle comme ça. On a essayé de me déstabiliser, c'est ça qui compte. Oui. On n'a pas trouvé de schnuff dans mon scooter, c'est peut-être parce que j'ai pas de scooter. Mais on aurait trouvé autre chose, enfin je préfère que ça se cache. Quel monde de fainéants, je te jure. Bon allez, j'y vais, au revoir, Zen.